si ouais, mais moi, pas fond la peine, dis ça ou qu'à penser. Vous savez, sans vous, un petit, mais c'est le carré au lit. Ouvrez des bras pour moi. En Kevin, qu'on brise la pluie en l'écho. En paix qui paie des vieilles, l'on met Satan s'il veut. Juste arrêter le cours du temps pour vous un petit moment. En qui laisse d'où s'élève à au coucher tard. Me garder en mémoire qu'on rêve de belles histoires. Juste pour l'amour. Juste pour la vie. Juste par amour. Juste pour toujours. Si demain la vie prend moins, on veut vous savoir de si ou moins. Ou si plus belle histoire. Tout seul, en commandé, super aimé, aimé juste après la mort, au paradis des amours éternels. Si demain n'a pas le choix pour dire, mais tout en dit dans l'ange à cache, cher. Qu'à fond voyager. Tout esquisse et moi chez-moi, la plus bonne est qu'à mouiller nous, consommer nous lentement. Et si demain pas quoi avant, à qui prier les étoiles si fort, en qui laisser l'orage passer, et tout bonjour changer nous. Parfum de rêve si créé d'amour, qui toujours vive après l'amour. En qui laisser l'orage passer et tout bonjour changez-nous. Parfum de rêve si créé d'amour qui toujours vive après.